Chapitre 5e. Paléon au Horos. Diane recula de quelques pas. Une joie pieuse inondait son cœur. Sa mission d'ange était enfin accomplie. Peu à peu, Jacques rouvrit les yeux et les promena autour de lui. Il passa sa main sur son front, comme pour en écarter les fumées d'un rêve, puis apercevant une femme qui s'approchait lentement. « Où suis-je ? » murmura-t-il. « Et qui êtes-vous ? » La jeune fille rejeta son capuce en arrière. « Diane Urseolo ? Diane, ici, dans ce lieu funèbre ? Oh, pourrais-je savoir ? » ?»« Vous saurez tout, monseigneur. Mais laissez-moi remercier Dieu d'avoir répandu sur vous les rayons de sa grâce infinie. Car si vous êtes encore vivant, c'est le ciel qui en est cause. Et sans lui, la pauvre Diane n'eût pas réussi peut-être à vous sauver d'une mort jurée par des ennemis puissants. Que dites-vous ? Comment ai-je soulevé des haines aussi ardentes ? Et de quels ennemis voulez-vous parler ? D'infâmes que mon père vous conseillait vainement de redouter, de vos frères. Mes frères ? Vous ne me trompez point, Diane, ils auraient osé. Jean Crispo lui-même vous a versé le poison. Heureusement, j'étais sa complice, et c'est moi qui l'avais préparé. Diane entra ensuite dans de longs détails. Elle raconta ce qu'elle avait entendu de l'orgie des trois frères, les propositions faites à Urseolo, son emprisonnement à Paléon Horos, les recherches infructueuses de Jean dans le laboratoire du médecin, enfin son entrevue avec lui, et enfin le pacte criminel par lequel ils s'étaient réciproquement liés. « Ange sauveur !» s'écria Jacques après le récit de Diane. « Comment ai-je mérité un tel dévouement ? Vous me le demandez ? Mais vous avez donc oublié cette nuit fatale où je veillais, triste et désespéré, au chevet de ma maîtresse chérie, votre noble mère ? Vous avez donc oublié cette audacieuse tentative de rapt sous les yeux mêmes de la pauvre malade, ces terreurs affreuses, ces cris étouffés qui sortaient du lit de douleur pendant que j'implorais l'assistance du ciel, ces violences odieuses auxquelles j'eus succombé peut-être si vous n'étiez venu, vous aussi, comme un ange envoyé d'en haut. Hélas, pour me demander la cause de mon dévouement, il faut que vous ayez oublié tout cela, monseigneur. Non, je n'ai rien oublié. Mais ce souvenir n'est plus dans ma tête, Diane, il est descendu dans mon cœur. Et quoi ? N'avez-vous donc pas traduit mon silence et deviné ma pensée ? N'avez-vous jamais interprété le langage de ces yeux qui vous cherchaient partout ? Oh, Diane, chaque fois que j'allais secrètement visiter ma mère, ne lisiez-vous pas, à travers les larmes que je répandais sur elle, le remerciement qui s'adressait à vous, sa gardienne vigilante ? Je me croyais, mais n'osais me dire votre ami. J'aimais à vous suivre dans l'ombre, à vous entourer de soins mystérieux, à veiller sur vous, comme Dieu veille sur ses créatures, en les couvrant de sa protection invisible. Et je ne savais si vous m'aviez compris. Mais aujourd'hui, Diane, il faut que ces ténèbres s'éclaircissent et que le jour luise enfin dans ce cœur dévoré par l'incertitude. Dites-moi si j'ai eu tort de croire à une sympathie secrète qui nous unissait, quoique séparée. Diane, répondez-moi sincèrement. Si, dépouillant ma timidité, je me fusse agenouillé devant vous en vous appelant ma sœur, auriez-vous refusé de m'appeler votre frère ? Une sœur eût-elle fait plus que moi ? Il y avait dans la demande de Jacques et dans la réponse de Diane deux aveux qui retentirent à l'oreille de l'un et de l'autre avec une enivrante douceur. Puis, à ce mouvement de l'âme qui les avait trahis, succéda cette surprise pleine de frayeur et de joie qui ôte la force et ne peut se résumer que dans un long silence. Diane se hasarda la première à le rompre. « Le soleil va se lever, » dit-elle. « N'oublions pas, monseigneur, que je n'ai fait qu'ébaucher l'œuvre et que c'est à vous de la couronner. Il faut prendre un parti. Que faire ?»« Votre père, » dit Jacques, après un moment de réflexion, « est enfermé à Paléon Horos. C'est de lui, surtout, que j'ai besoin. Allons à Paléon Horos. » Mais ce sera inutile, » fit observer Diane. « Peut-être. Je connais Lionello. Plus d'une fois, il a tremblé au son de cette voix. » Et à la vue de cette épée, il obéira. Le trajet du cimetière à Paléon Horos était d'une heure environ. Rapide pour Diane et Jacques, cette heure se passa tantôt en causeries délicieuses, tantôt en silence tendrement prolongé. Quand ils furent arrivés devant la redoutable porte de fer de la forteresse, Diane ne put se défendre d'une crainte vague. Jacques, plus confiant dans son étoile, avisa une sentinelle qui avait fait longtemps le service intérieur du palais ducal. « Me reconnais-tu » dit-il en lui enlevant de vive force l'arme qu'il tenait à la main. « Le prince Jacques !» s'écria l'archer. Et ce nom parcourut, comme l'étincelle d'une traînée de poudre, toute la rangée de sentinelles qui se trouvaient espacées autour des fossés de Paléon-Horos. « Lui-même, » dit le prince, « et puisque tu sais qui je suis, fais en sorte que le pont-levis se baisse devant moi. » Et comme l'archer hésitait, « Ne crains rien. Jacques te relève de ton obéissance envers le traître Lionello et te récompensera mieux qu'il ne saurait le punir. » La frayeur qui s'était emparée de l'archer fut si profonde qu'il put à peine articuler quelques paroles sans suite. Il se rappela pourtant qu'en cas d'événement, il avait ordre de sonner du cor. Alors, se reculant le plus possible de Jacques, dont la présence lui paraissait au moins surnaturelle, il embaucha tant bien que mal la trompette, et un homme se montra presque aussitôt sur le rempart. « Vite, à la herse, vite, vite !» s'écria l'archer avec une merveilleuse volubilité. « Baissez le pont, sur le champ, sans tarder, c'est l'ordre !» Il s'arrêta interdit et n'osa achever. Pendant ce temps, Jacques s'était retiré à quelque distance avec Diane, et tous deux, assis sous les premiers arbres d'un petit bois d'olivier où les rayons de la lune ne pénétraient qu'à de lointains intervalles, suivaient silencieusement les progrès de cette scène. « Es-tu fou, Luzzi ?» dit Leonello d'une voix forte. « Et ne connais-tu pas la punition réservée à toute sentinelle qui donne inutilement l'alarme ? Quel vertige t'a saisi et quelle vision t'a troublé l'esprit pour me déranger ainsi au milieu de mon premier somme ? Le terme de ta veillée est-il arrivé ? Il s'en faut encore de toute une heure. « Sommes-nous attaqués? Je ne vois pas d'ennemis. » Luzzi, pris au piège entre les injonctions de Jacques et les questions de Lionello, craignit de se compromettre par quelques paroles imprudentes et ne répondit pas. « Sur mon âme, » reprit Lionello, « je crois que le drôle se moque de moi, à moins pourtant qu'il n'ait subitement perdu la tête. « Ça, vous autres, » continua-t-il en parlant aux gardiens qui veillaient au-dedans de la forteresse. « Faites-moi passage, afin que j'aille moi-même châtier cet insolent qui me brave, et dont je tirerai peut-être une réponse en lui caressant les épaules du plat de cette épée. » Mais Lionello n'avait pas fait deux pas sur le pont que Luzzi était déjà près de lui. « Si vous avez quelques soucis du salut de votre âme, » balbutia précipitamment l'archer, « n'allez pas plus loin, et écoutez-moi. Il est là, à l'entrée du bois des Oliviers. »« Qui est là? De qui parles-tu ? » ?»« De lui, capitaine. » « Du duc de Nax, du prince Jacques. Tâche de t'expliquer plus clairement. Que viens-tu me raconter ici de Jacques et du duc de Nax? Je ne te comprends pas du tout. Sainte bénédiction, je vous dis que le prince Jacques vient de me parler et qu'il prétend entrer en maître à Paléon-Horos. « Jacques ? » fit Lionello en s'efforçant de rire. « Il faut avouer, Luzzi, que tu te laisses duper aisément. » Tu auras pris pour Jacques un fou qui se croit maître d'archipel ou un aventurier qui se sera diverti à tes dépens. « Je connais le prince, » reprit l'archer, « et je jure que c'est lui, si ce n'est son ombre. » Qu'est-ce que vous dites donc là ? » fit de ton ému Lionello, qui n'était pas beaucoup plus rassuré que l'archer Luzzi. « Auriez-vous foi au miracle et au revenant, l'ombre de Jacques ? L'aventure serait plaisante et, par Saint-Jean, je ne serais pas fâché de m'entretenir un instant avec la mérante du défunt. Ne jouons pas avec l'enfer, dit Luzzi, la partie n'est pas égale. Bon, voilà Luzzi qui a peur. Mais tu as beau faire, je ne croirai jamais à de semblables rêveries. Les morts sont morts et l'enfer lui-même. Jacques s'était avancé pendant cette ronflante période de Lionello, qui, en l'apercevant, perdit son assurance et poussa un grand cri. Moins disposé à médire de l'enfer et des miracles, il tomba à deux genoux et se mit à marmotter des prières. Sa frayeur répondait de sa docilité. Au premier mot, il remit toutes ses clés. Jacques s'introduisit avec Diane dans les caveaux du donjon. Alors, Lionello essaya de rallier ses gens. Mais plusieurs avaient déjà pris la route de Nax et s'enfuyaient à toutes jambes. Lionello jugea prudent de faire comme eux et s'esquiva lestement, sans tourner une seule fois la tête vers ce château que le ciel, dans sa pensée, venait d'abandonner à l'enfer. Maître de la place, Jacques et Diane eurent bientôt rendu à la liberté Urséolo, qui passa du désespoir le plus amer à la joie la plus inattendue. On le mit en peu de mots au courant de ce qui s'était passé, et l'on tint conseil sur ce qui restait à faire. Avant tout, il fallait que Diane rentrât à Nax. elle regrettait pourtant de s'éloigner avant que tout danger eût cessé pour Jacques. « Ne redoutez plus rien pour moi, » lui dit le duc en lui montrant la garnison de Palion-Rose qui venait de faire sa soumission, et prenant Urséolo par la main. « Le duc de Naxe peut triompher maintenant de ses persécuteurs. Il a une armée et un premier ministre. » Un adieu d'espérance s'échangea. Pierre accompagna sa fille jusqu'au bourg de Mony et va retrouver aussitôt après le duc à Palion-Rose.